coups de gong, dring, pouette, patacouette, qui résonne dans ma tête. Déjà le petit matin, et ce carillon qui me fait du potin, qui tonne, qui rouspète. Il est grand temps de sauter dans tes baskets. Ding, dong, patapong, ça fait comme un coup de gong. Ding, pouette, patacouette, moi je reste sous ma couette. Un maudit réveil. Laissez-moi terminer mon rêve. Ça suffit maintenant. Vous voyez bien que je ne dors plus. Je travaille. Je dessine mon rêve. Cette nuit, j'ai rêvé que la lune me parlait, que les lampions de l'arbre s'allumaient et que tous les habitants se mettaient à danser tous ensemble toute la nuit. Pamela la grenouille, Colimaçon l'escargot, Monsieur le bourdon et même les frères Pivert. Et moi ? Où ? Moi. Est-ce que j'étais dans ton rêve ? Vous ? Mais qui êtes-vous ? Saperlipopette, la souris à lunettes. Mais vous n'habitez pas ici ? Comment ça, bien sûr que j'habite ici, dans cet arbre ? Mais je ne vous ai jamais vu. Mais si ? Mais non. Mais si ? Mais non. Mais je te dis que si. Tu as la tête dure, toi. Allez, fais-moi entrer dans ton rêve.